Homme est un mot. Louis-Antoine de Saint-Just. Homme est un mot qui ne caractérise qu'un animal, ainsi course et lion. Son naturel est erreur et sottise, malignité, superbe, ambition. Il naît et meurt, et mort on le méprise. De son destin orgueilleux, on le voit fouler la terre en pays de conquête, que la raison a soumis à sa loi. Il n'est plus que la première bête de ce séjour dont il se dit le roi. Maître du monde, esclave de lui-même, il creuse tout et ne sait ce qu'il est. Son cœur, pétri d'orgueil et d'intérêt, craint ce qu'il est, méprise ce qu'il aime. Impudemment, il appelle vertu le crime sourd d'un sophisme vêtu. Son amour-propre inventa l'apparence. L'intérêt vil lui donna la prudence. Et sa raison n'est qu'un noir composé d'orgueil adroit, d'orgueil intéressé. L'or animé dans ses veines palpite. L'or est son cœur. C'est le Dieu qui l'agite. Sa voix le traîne au travers des dangers pour s'engraisser sur des bords étrangers. L'or inventa les arts, l'astronomie, et l'avarice est mère du génie. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.